Segurai! Segurai! What the fuck up? Le cœur vibrant, chaque pixel vibre, l'écran est brûlant. La foule est là, on ressent chaque souffle. Le gaming devient vie, le monde s'essouffle. Les claviers frappent comme des coups de tonnerre. Chaque combo un cri, chaque victoire une lumière. Rider skill guide, ses mains tracent le destin. L'écran reflète l'âme dans le chaos, le chemin. Les ennemis tombent sous le rythme du son. Chaque mouvement résonne dans la zone. Le cœur s'en bat. La salle s'ouvre, le son vous traverse, chaque vibration.